barre des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre présence ce soir. C'est vrai qu'on va parler de piraterie, mais pas seulement, de plein d'autres sujets. L'Indonésie est un exemple absolument extraordinaire de tout ce qu'on peut faire avec la technologie spatiale lorsqu'il s'agit de monitorer l'environnement, monitorer, c'est-à-dire surveiller finalement hein, l'environnement et plein d'autres choses encore, la pêche par exemple. Donc c'est un nouveau mardi de l'espace qui est organisé comme à chaque fois par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, et par l'association Barre des Sciences Paris, avec Xavier, qui est là. Bonsoir, Xavier. Merci de ces quelques notes. Nos twittos qui sont là également et qui vont raconter, qui vont raconter sur Twitter ce qui va se dire ce soir, et donc faire ce qu'on appelle un live tweet directement. Alors, piraterie, pêche et environnement en Indonésie. Alors, pourquoi consacrer un mardi de l'espace à l'Indonésie, me direz-vous? Il y a pas mal de raisons. D'abord parce que l'Indonésie est un pays singulier. Figurez-vous, est-ce que vous savez combien il y a d'îles? Combien il y a d'îles en Indonésie? Vous avez une idée de ça? Une centaine. Une centaine, dit madame. 4500, dit mademoiselle. 7000, dit mademoiselle. Qui dit mieux? On est loin. Excusez-moi, mais on est loin du compte. On est loin du compte. 17 500. Ah, madame n'était pas loin. Madame n'était pas loin. Donc, c'est énormément d'îles. C'est un véritable réservoir de la biodiversité marine. Et l'Indonésie, en même temps, a lancé sa révolution bleue. Elle veut devenir le premier producteur mondial de produits de la mer. Bref, vous comprenez, il faut gérer ce capital bleu, si je puis dire. C'est donc un pays qui doit faire face à des défis importants en matière environnementale, en matière économique et en matière de biodiversité. Et pour l'y aider, l'Indonésie a décidé de faire appel à la technologie spatiale et en l'occurrence à une entreprise française qui s'appelle CLS, qui est une filiale du CNES. Le CNES est en train de faire construire en ce moment un centre de surveillance, un centre océanographique. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Le CNES? Non, c'est CLS, pardon. C'est CLS qui fait actuellement construire, effectivement, ce centre qui va permettre de travailler dans des domaines aussi divers que la gestion raisonnée des stocks de poissons, la lutte contre la pêche illégale, la protection des récifs de corail, le support à la crevetticulture, la détection des dégazages de navires en mer. Vous voyez, c'est effectivement extraordinairement large tout ce qu'on peut faire. Alors comment est-ce que la technologie spatiale réussit à faire tout cela? On va le voir avec vos questions. Donc je vais venir, je viendrai vous passer le micro et vous pourrez vous entretenir directement avec notre intervenant de ce soir, c'est Olivier Germain. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Alors, on avait deux autres intervenants prévus à l'origine. L'un est en Indonésie, l'autre est à un séminaire de prospective annuel ou bisannuel auquel il pouvait décemment pas échapper. Donc, en tout cas, on est ravis de vous avoir, Olivier Germain. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, nous dire qui vous êtes? Bonsoir à tous, merci de votre accueil. Donc moi je suis ingénieur chez CLS depuis 7 ans maintenant. Et j'ai en charge en fait la responsabilité du projet dont Paul a parlé en introduction. Hein, donc c'est un projet qui s'appelle INDESO. INDESO, INDESO. C'est ça. Qui veut dire. C'est presque un anagramme d'Indonésie. Alors, presque. En fait, c'est à la fois un anagramme, ça veut dire Infrastructure Development for Oceanography, mais il y a également un jeu de mots, puisque Indeso, c'est un village en indonésien, en Bahasa. Ah, ça veut dire village. Ça veut dire village, ouais. C'est-à-dire village reculé. Donc les Indonésiens se sont amusés avec ce jeu de mots, et voilà, c'est le nom du projet. Et donc moi je suis chef de ce projet, donc ma responsabilité, c'est de faire en sorte que l'engagement qu'on a pris avec notre client, donc le ministère des pêches indonésien, soit réalisé dans les temps et selon le cahier des charges qu'ils ont établi. Donc on a compris que vous avez réalisé, mis sur pied une sorte... Enfin, vous êtes en train d'ailleurs, parce que c'est pas totalement fini. Vous êtes en train de mettre sur pied ce centre d'océanographie opérationnel. Est-ce qu'on peut parler de l'Indonésie, de sa situation, de ses problématiques? Oui, alors l'Indonésie... Vous vous avez effectivement mentionné que c'était un des plus grands archipels du monde, hein, 17 000 îles. L'Indonésie, c'est également une zone maritime gigantesque. Donc là, je parle de zone économique exclusive. Donc là, c'est un concept qui fait référence aux possessions d'un État. Grosso modo, quand vous prenez les terres émergées d'un État, vous tracez une frontière qui se trouve à 200 nautiques des côtes. 200 000 nautiques des côtes. 200 000 nautiques des côtes. Donc ce qui veut dire ? Ça fait 360 km. 360 km. Ça, c'est la zone économique exclusive. D'accord. Et qu'est-ce que j'ai le droit de faire dans cette ZEE ? 370 des monsieur, oui. Dans cette zone, vous avez le droit de pêcher. Vous avez le droit de revendiquer les ressources. Et vous avez le droit, les ressources halieutiques, mais également d'autres ressources. Halieutiques, c'est le poisson. Voilà, ouais. Les poissons. Donc, si on parle de zone économique exclusive, celle de l'Indonésie fait 3 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait la sixième plus grande zone économique exclusive du monde. Vous savez quelle est la première et la deuxième ? Donc, la première, c'est les États-Unis, et la deuxième, c'est la France. Ah, c'est la France. La France a la deuxième surface de zone économique exclusive au monde. Grâce à ses possessions outre-mer. Grâce à ses possessions outre-mer. Bon, d'accord. Alors, cette zone-là qui comporte des millions de kilomètres carrés, qu'est-ce qu'on y trouve ? Eh bien, on y trouve essentiellement du thon. C'est une des ressources majeures en Indonésie. Et l'aspect important également, c'est que l'Indonésie, c'est un pays très peuplé, 250 millions d'habitants. C'est le quatrième pays le plus peuplé du monde. Et sur ces 250 millions d'habitants, il y a environ 50 millions d'habitants qui dépendent par leur travail ou par, par l'accès aux protéines, qui dépendent des produits de la mer. Donc on comprend que toutes ces problématiques sont cruciales pour un pays comme l'Indonésie. C'est un pays qui pêche beaucoup pour nourrir sa population, mais qui exporte également beaucoup. La bonite, notamment. Hein, donc c'est la quoi ? La bonite. La bonite ! Moi, je connais pas la bonite. C'est une variété de thon. C'est le thon que vous trouvez dans les boîtes de thon. L'Indonésie est un des plus grands réservoirs de bonite du monde. Voilà. OK. Parfait. Alors, on a pas mal de questions à se poser. À quoi ressemble ce centre, etc. Ce qu'on y trouve, etc. Mais allons directement dans les... dans l'utilité, dans ce qu'on va chercher à faire. Là, par exemple, en matière de pêche, qu'est-ce qu'on peut faire ? À quoi est-ce que ça peut servir, un centre comme ça, qui est en lien avec des satellites en matière de pêche ? Alors, l'intérêt du domaine spatial pour la pêche, il est évident, puisque vous avez à contrôler de très grandes surfaces, donc on parle de 3 millions de kilomètres carrés, dans un endroit où il y a peu de télécommunications, enfin pas du tout, pas couvert par le réseau GSM par exemple. Et la priorité en termes de pêche, c'est de savoir où sont les bateaux qui sont licenciés, donc les bateaux qui sont autorisés à pêcher dans un domaine. Le pays en question doit pouvoir les surveiller, savoir à tout moment où est-ce qu'ils se trouvent et qu'est-ce qu'ils font. Pourquoi est-ce qu'il faut les surveiller ? Il faut les surveiller puisque c'est la façon la plus directe pour déjà pour leur porter assistance quand ils ont besoin de secours, mais aussi connaître leur activité et avoir une idée précise du stock qui est prélevé. Avoir une idée précise du stock qui est prélevé parce qu'il faut gérer cette pêche finalement. Le thon c'est bon, mais le thon c'est menacé. C'est ça, donc c'est la problématique qui nous occupe et qui occupe les Indonésiens, c'est-à-dire que l'effort de pêche, vous en entendez parler tous les jours dans les médias, hein, l'effort de pêche ne fait que s'accroître et pourtant les prises stagnent. Donc on suppose que les stocks sont en train de décroître. Et il y a une réelle nécessité de mieux connaître l'état des stocks pour mieux les gérer et faire en sorte que cette ressource continue à exister pour pouvoir nourrir les populations. Donc le premier volet que l'espace, que la technologie spatiale et les satellites permettent d'adresser, c'est un volet que je qualifierais de télécommunication. Et donc c'est là où... Je vais juste de revenir juste d'un mot en arrière. Donc, on réussit à savoir où se trouvent les bateaux licenciés, les bateaux qui ont une autorisation. On peut comme ça connaître les quantités de thon, de poissons estimées, en tout cas les quantités que ces bateaux ont pris. mais ça permet aussi de surveiller les quotas. On sait par exemple que tel bateau, s'il y a des quotas, il a déjà eu son quota de pêche et il ne devrait pas repartir en mer à la fin de l'année ou ce genre de choses. Absolument. Alors ça, c'est dans l'hypothèse où le capitaine à bord du navire fait une déclaration en bonne et due forme, ce qu'il est censé faire. La quantité de poissons qui est prélevée doit être notée sur ce qu'on appelle un logbook, hein, donc c'est le journal de bord du bateau. Et donc il y a des façons ensuite de rapporter cette information, de la consigner de façon plus ou moins artisanale. Donc ça va de la simple écriture sur un cahier qu'on transmet, qu'on recopie une fois qu'on est rentré au port, à des systèmes plus élaborés aujourd'hui, où cette saisie est électronique et également transmise par des moyens satellitaires. Donc c'est pas du tout, ce vers quoi on s'oriente, c'est pas du tout la logique du plus fort, j'ai mon plus gros bateau de pêche, pousse-toi. Non, tout ça est de plus en plus géré, mesuré, surveillé. Il y a une volonté de le faire, je ne dis pas qu'on y est encore. En Indonésie en tout cas, c'est clair. En Indonésie et dans d'autres pays du monde, oui. Alors comment ça marche? Donc j'arrive à suivre les bateaux de pêche. Comment est-ce que je le fais par satellite? Alors pour suivre un bateau de pêche, vous avez besoin d'une balise. Donc une balise, c'est un système radiofréquence qui va émettre un signal. Je crois que vous avez une petite boîte blanche, mais je ne sais pas si c'est ça. Non, c'est pas ça. D'accord. J'aurais pu en apporter une, mais malheureusement, j'ai pas pu le faire. Ouais. Donc c'est une. Enfin, après, la taille de la balise est variable. Hein, pour un navire de pêche, c'est quelque chose qui est gros comme une brique de lait à peu près. Une brique de lait, oui. Voilà, qui est installée à bord du navire et donc qui émet un signal. Et ce signal est collecté par un satellite, sur une charge utile par un satellite. Un des systèmes satellitaires qui fait ce genre de travail, c'est le système Argos, hein, le système qui a été développé par le CNES et qui est à l'origine de la création de la filiale de CLS. Le rôle de CLS, quand le CNES a créé CLS, c'était pour opérer le système Argos et en développer des applications et des services à partir de ce système social. Alors, on y reviendra sur ces balises Argos, parce qu'elles sont vraiment effectivement utiles et importantes. Mais alors, on utilise aussi, ça permet de suivre les bateaux de pêche, mais on utilise aussi un satellite radar, pourquoi? Alors, effectivement, quand vous suivez vos bateaux licenciés, vous avez fait la première partie du travail. Maintenant, vous pouvez avoir un objectif plus ambitieux qui est de dire « Ok, je connais où sont les bateaux licenciés. Maintenant, j'aimerais détecter s'il y a des navires illégaux. » Parce qu'il y a des navires illégaux en Indonésie ? Parce que, bien sûr, la pêche illégale est un des crimes les mieux organisés aujourd'hui. Il y a des organisations mafieuses qui se livrent à ce genre d'exercice. Donc il y en a en Indonésie, mais il y en a partout dans le monde. Alors pourquoi les mafieux? C'est quoi la relation? Eh bien, la pêche illégale, ça consiste à équiper un navire à peu de frais, donc à fréter un navire qui est qualifié de poubelle, avec un équipage sous-payé et l'envoyer piller des ressources chères si possible, dans des endroits peu surveillés, pour simplement faire du profit en les revendant sur les marchés qui les accepteront. Et donc ce sont des mafias parce que c'est très très bien organisé. Il y a des gens qui gagnent énormément d'argent tout en haut de la pyramide. Absolument, c'est ça. Oui. Ouais. Et des mafias, donc il y en a en Asie du Sud-Est, mais il y en a aussi en Europe. L'Espagne notamment est un des grands pays qui abrite ce genre de... Ah, il y a des mafias de la pêche en Espagne. Absolument. Ouais. D'accord. Bon. Très bien. Alors, tout ça ne me dit pas pourquoi on a besoin d'un satellite radar. Alors, vous avez besoin d'un satellite radar puisque ces bateaux, bien sûr, ne sont pas coopératifs. Ils n'ont pas de balises, ils ne disent pas où ils sont. Donc, vous avez besoin de les détecter. Et donc, pour les détecter, le satellite... Alors, on utilise un type de satellite particulier. Alors, c'est un satellite imageur, c'est-à-dire qu'il fait des images de la surface du globe, un peu comme les satellites SPOT, qui sont peut-être plus connus du grand public. Mais à la différence des satellites SPOT, qui sont des satellites optiques, hein, donc qui prennent des photos de la surface de la Terre, ces satellites-là utilisent la technologie radar. Donc ils envoient une onde électromagnétique qui se réfléchit, ils récupèrent l'écho, et ils font une image à partir de cette onde réfléchie. Et le gros intérêt de cette technologie, c'est que l'onde électromagnétique traverse le couvert nuageux. Donc vous êtes complètement affranchi de la couverture nuageuse, vous pouvez voir à travers les nuages, Et qui plus est, vous pouvez voir de jour comme de nuit. Vous n'avez pas besoin de l'illumination du soleil pour faire des images de la Terre. Donc on sera sûr d'avoir l'image. Voilà, c'est ça qui est, c'est pour ça qu'on qualifie ces satellites d'opérationnels. C'est-à-dire que quand le satellite passe à un endroit et à une date donnée, on est certain d'avoir une image, ce qui n'est pas le cas avec les satellites optiques. Alors on peut peut-être se référer aux documents là, que vous avez sur vos tables. Donc voilà, vous avez des petits cahiers là. Donc je vous invite à le regarder. Et regardez la deuxième page qui s'appelle « Satellite radar imageur SAR ». Qu'est-ce qu'on voit là sur cette double image ? Sur cette double image, vous voyez la partie nord de la Nouvelle-Calédonie qui a été prise à peu près au même instant par deux satellites. À droite, un satellite optique et à gauche, un satellite radar. Donc sur le satellite optique, on voit qu'il y a une bonne partie de l'image qui n'est pas exploitable puisqu'elle est masquée par des nuages. Ah oui, s'il y a là des navires de pêche illégaux, je ne les verrai pas. C'est ça, ils sont cachés par les nuages. Et à gauche, je ne vois pas de navire du tout. Là, non, vous ne la voyez pas parce que le rendu de la photocopie ne le permet pas. Mais, Ils y sont quand même. Ah oui, il y a des navires. Donc la résolution ne permet pas de l'apprécier. Mais si vous zoomez, vous verrez des petits points blancs. Et chaque petit point blanc, c'est l'écho d'un navire. D'accord. Donc, est-ce qu'on a une image qui le montre quelque part ? Je ne me souviens plus. Non. Hein. Si, on a ça comme ça. Ah oui, on verra ça plus tard, oui, effectivement. D'accord. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces navires de pêche, ils ont été effectivement équipés par CLS. Il y avait un projet avec l'Indonésie en 2004 pour équiper justement ces navires de pêche avec des balises Argos. Donc, c'est vous qui en êtes responsable. Hein. Effectivement, et c'est-à-dire que l'histoire entre CLS et l'Indonésie n'a pas commencé avec Indeso. CLS est présent en Indonésie depuis 2004, puisqu'en 2004, CLS a livré au ministère des Pêches également ce qu'on appelle un Vessel Monitoring System, VMS. Vessel Monitoring System. Voilà, donc c'est un système c'est un centre pêche. Système de surveillance des vaisseaux. Centre de surveillance de la pêche. Et qui consiste à équiper les navires de pêche de balises, donc les balises Argos en l'occurrence. CLS a équipé 3000 navires de pêche en Indonésie en 2004 et a livré également un système aux autorités compétentes, un système qui permet d'afficher la position en temps réel de ces navires, donc un système informatique et qui contient toutes les fonctionnalités utiles pour gérer la pêche, c'est-à-dire déclarer des zones, envoyer des alertes quand certains navires entrent dans des zones interdites, etc., etc. Il y a des zones interdites ? Mais il y a certaines zones qui sont protégées, qui sont sanctuarisées, puisqu'on sait par exemple qu'il y a un certain nombre, enfin, ce sont des zones de reproduction, ou des zones où il faut absolument préserver la ressource, qui sont plus sensibles que d'autres. Et donc oui, il est possible pour un État de définir des zones sanctuarisées. Alors ça, c'était un exemple hein, pour la pêche illégale. On pourra y revenir aussi, parce qu'il y a pas mal de détails qu'on n'a pas évoqués. Mais est-ce qu'on peut parler de la lutte contre un autre, tout autre sujet hein, qu'on peut faire, justement, avec votre adressé, comme vous dites, avec ce centre d'océanographie opérationnelle? C'est la lutte contre les pollutions, la lutte contre les dégazages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors tout à fait, oui. Donc ça, c'est l'idée, c'est de profiter d'une deuxième fonctionnalité des satellites radar imageurs. Donc un satellite radar imageur, comme on l'a dit, ça permet de détecter des navires sur la surface de la mer, mais ça voit autre chose. Ça voit des nappes d'hydrocarbures aussi. Hein, donc vous avez quelques exemples sur les planches, notamment. On va aller jusqu'à la lutte contre les pollutions. La planche qui s'intitule « Lutte contre les pollutions » numéro 1. Voilà, donc sur ces deux images, vous avez des clichés radar à gauche du naufrage du Prestige. Donc c'est un navire qui a coulé en 2002 au large de la Galice. On s'en souvient. Et donc qui a causé une pollution majeure. Donc vous voyez l'étendue de la pollution sur l'image. Donc l'image juste en dessous, c'est l'image de la pollution du Prestige. Du Prestige. Vous savez où se trouve là le Prestige sur l'image ou pas ? Eh bien, il se trouve ici. Ah, il se trouve. Voilà. Ah oui. Donc à la pointe gauche là, vous voyez, on a le Prestige et on voit les coulures qui ont coulé vers la droite. Voilà. Et à l'extrémité et la... totale, là, c'est le... C'est la côte, ah, c'est oui. la côte de la Galice. Donc à droite, on voit la côte de la Galice et on voit qu'effectivement, les, la, la, la, la, la, le pétrole est allé lécher, si je puis dire, l'Espagne. Tout à fait. Et pour vous donner une, donc, une idée de l'échelle, vous avez la petite barre blanche en bas qui représente 50 km. Ah oui, 50 km, d'accord. Donc on est à 150 km des côtes, là. Avec, oui, c'est ça. Avec le Prestige, bon. Donc ça, c'est un exemple enfin de, d'utilisation du satellite radar enfin, en cas de crise. Hein. Donc là, on parle de pollution accidentelle. Là, c'est toujours du radar. C'est du radar, absolument. Et donc le radar, c'est très curieux quand même, le radar permet de voir oui. les... Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Les pollutions, comme ça, d'hydrocarbures. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, là, il faut comprendre que l'onde radar qui se réfléchit sur la surface de la mer sera d'autant plus intense que la mer est rugueuse. Et houleuse. Rugueuse. Rugueuse. Rugueuse. Rugueuse. Ouais. Je dis rugueuse et pas houleuse parce que rugueuse, je parle de, d'aspérités qui sont de l'ordre de quelques centimètres. Ah oui, pas, d'accord. Non pas de la houle qui fait plusieurs, plusieurs mètres. Je vous en prie, continuez. Donc, si la mer est rugueuse, et donc rugueuse parce que le vent souffle et donc crée cette rugosité, le retour radar va être plus intense. Donc on le voit sur l'image, par exemple, les zones qui sont plus claires. Ce sont des zones qui sont plus rugueuses parce que le vent souffle, il souffle plus fort. Donc qu'est-ce qui se passe si localement on a une nappe d'hydrocarbures ? Eh bien, vous avez localement une mer d'huile, hein, excusez-moi du jeu de mots, mais localement vous avez une surface qui est plus plane et donc qui réfléchit moins et donc qui apparaît de façon plus sombre. Les huiles, elles sont plus lourdes, donc elles sont moins sensibles à, la, à l'excitation du vent finalement. Tout à fait, voilà. Ouais. À la capitale. Donc elles restent planes. Et on a un écho qui est différent. Voilà. Et on arrive à très bien voir de cette manière-là ces nappes d'hydrocarbures qui dérivent. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était voilà, lutte contre les pollutions. On voit bien, c'est pour les luttes accidentelles. Regardons à droite, là, il se passe autre chose. Qu'est-ce que vous nous avez montré à droite en image ? À droite, on voit un ensemble de plateformes pétrolières. Alors avant toute chose, en haut, c'est effectivement une plateforme pétrolière. Oui. Et là, on voit une espèce de sillage sur la droite. Donc là, il y a manifestement une fuite, alors accidentelle ou pas, ou c'est peut-être un rejet. Donc sur la plateforme, on voit, je parle bien de l'image en haut, hein, oui. on voit une espèce de traînée blanchâtre oui. sur la droite. Donc il y a de la fumée, mais c'est pas de ça que je parle. C'est bien la fumée dans la traînée dans l'eau. Effectivement, on voit c'est une sorte de dégazage finalement de la plateforme. On va parler de rejet après. De rejet. Je ne sais pas si c'est accidentel ou volontaire, d'accord. mais il y a manifestement un rejet sur cette photo. Et si on, alors ça correspond pas forcément à l'image satellite qui est en dessous, l'image radar satellite qui est en dessous, mais l'image radar satellite qui est en dessous montre un ensemble de quatre plateformes où on voit également des rejets. Alors est-ce qu'il y a un accident concomitant sur les quatre plateformes à la fois ou est-ce qu'il s'agit de rejets volontaires, ça je ne sais pas, mais clairement il y a des rejets d'hydrocarbures sur ces quatre plateformes. Et donc on voit les plateformes, ce sont les petits points blancs là, oui. et puis on a des traînées noirâtres hein, vers le bas de l'image, ce sont les rejets d'hydrocarbures. Voilà. Et donc la chose qui est importante de souligner, c'est ce qui est illustré un petit peu sur la planche suivante. Lutte contre les pollutions numéro 2. Numéro 2, c'est que si vous vous intéressez à la quantité globale d'hydrocarbures qui est rejetée en mer, on parle, enfin le grand public a quand même est plus frappé, l'imaginaire du grand public est plus frappé par les situations de crise comme les marées noires de l'Erika, du Prestige ou de la Mococadise. Mais au jour le jour, la quantité de pétrole qui est rejeté de façon volontaire et illégale par des navires qui lavent leurs cuves, est beaucoup plus importante. Et qui lavent leurs cuves de façon parfaitement illégale. Parfaitement illégale. D'accord. Ce sont des choses qu'ils doivent faire dans les ports de façon contrôlée, en payant, bien sûr, et pour éviter de payer, ben, nombre de navires se livrent à ce genre d'activité. Ça coûte moins cher, quand même. Ça coûte moins cher, sauf quand on se fait prendre. Mais... Ah oui, quand on se fait pas prendre. Quand on se fait pas prendre, ça oui. reste, ça reste plus quand intéressant. Quand on se fait prendre... Ouais. J'espère que c'est un peu dissuasif, ouais. Donc là, à titre d'illustration, vous avez une image qui a été prise en mer de Chine orientale. Alors c'est l'image de droite hein, dont vous parlez. L'image de droite, voilà. Donc qu'est-ce qu'on y voit ? On voit des petits points. On voit un rail de navigation, donc c'est-à-dire un endroit où c'est une sorte d'autoroute maritime, un endroit où les navires sont autorisés à circuler. Donc la largeur de l'image, hein, le petit côté du rectangle, c'est 400 km. Donc le petit côté du rectangle, c'est 400 km. Et eh bien, on voit que le long de ce rail de navigation, il y a une quantité phénoménale de pollution. Toutes les taches noires que alors, vous voyez... Alors, d'abord, on voit des petits points blancs. Qu'est-ce que c'est, des petits points blancs? Ce sont les navires. Ce sont les navires, d'accord. Et les taches noires? Les pollutions. Les pollutions. Ce sont les pollutions. Les rejetés. Ce sont les dégazages en mer de Chine, hein, c'est ça? En mer de Chine orientale. En mer de Chine orientale. Donc, vous voyez, c'est absolument hallucinant. Alors, ça reste combien de temps en mer, un dégazage? Ça va dépendre du type d'huile, de la surface du volume qui est rejeté, et donc de la surface du film, de l'état de la mer. Mais ça peut varier de quelques heures à plusieurs jours. De quelques heures à plusieurs jours. Donc voilà, il y a une sorte de rémanence, hein, il y a une inertie du système. Mais n'empêche, voilà, ça c'est ce qu'on voit en quelques jours. Ben, en quelques jours, on a toutes ces taches-là, et sachant qu'il y en a quelques-unes qui ont déjà disparu en plus. Hein. Tout à fait, oui. Ouais. Donc ça c'est vraiment... Donc là on est sur une zone non surveillée, mais il faut savoir que sur des zones très très surveillées comme le rail de Ouessant ou en Manche, hein, donc qui est une des zones les plus surveillées du monde, malgré tout il y a des dégazages. Alors il y a quelques années c'était de façon quotidienne. Aujourd'hui on a une tendance à la baisse parce que l'Europe a pris des mesures et qu'on commence à utiliser les satellites radars justement pour surveiller, détecter ce genre de rejets illégaux et intervenir. Donc là, en Indonésie, ce sera toujours le même satellite radar qui sera utilisé? Absolument. Donc là, le même satellite que celui qui est utilisé pour contrôler la pêche illégale. Alors voilà, dans le cadre du projet que l'on conduit en Indonésie, on va se baser sur un satellite radar qui s'appelle Radarsat 2, qui est un satellite canadien. C'est un des satellites opérationnels actuellement qui permet de faire ce genre d'opération, sachant qu'il y en a d'autres. Il y a des satellites italiens, là, on parle de la constellation Cosmos Caïmède, là, c'est une constellation de 4 satellites, et l'Europe, hein, l'Agence spatiale européenne va lancer très prochainement 2 satellites qui s'appellent Sentinel 1A et Sentinel 1B. Sentinel 1A, c'est tout proche, c'est quand Sentinel 1A, c'était prévu fin du mois de mars. Je crois que ça a été décalé à début avril, mais voilà. Oui, c'est tout proche. Hein. Ouais. Oui, j'ai vu ça. Voilà. Et ces satellites, Sentinel 1A et 1B, sont les successeurs d'un satellite qui s'appelait Envisat, qui a œuvré pendant plusieurs années. Hein. L'image du Prestige dont on parlait tout à l'heure, c'est une image qui a été prise par le satellite Envisat. Qui était un satellite européen, mais voilà. Qui a été lancé. À l'époque, c'était le plus gros satellite jamais envoyé dans l'espace. Absolument. Il 8 tonnes, quelque chose comme ça. Il avait la taille d'un bus londonien. Waouh. Un satellite. Hein. Et il portait un peu moins de 10 instruments, je crois. Il avait un radar imageur, il avait d'autres instruments, il avait un altimètre, il avait un instrument pour mesurer la couleur des océans. Et c'était un monstre, et on parlait d'un monstre. L'Indonésie pêche beaucoup, mais l'Indonésien pêche par abus de pêche. Si le CLS l'en empêche, le pêcheur, lui, se dépêche de se cacher. Il y avait les manias de la presse, il y a les mafias de la pêche. Et l'Indonésien, il pollue. Moi, je l'ai lu, toi, tu l'as pollué. En tout cas, pas de peau, il pollue. Oh, bien joué. Ça, on vous l'avait jamais fait, celle-là. Hein. Il y avait les manias de la presse, maintenant, il y a les mafias de la pêche. Oh, tiens, c'est très beau. D'accord. Ah bon, d'accord. Reprenons notre fil. Donc, pollution, il y a quand même... on peut regarder l'image suivante. On va tourner la page. Et vous arrivez sur cette image-là où on voit un bateau rouge là sur la gauche. Qu'est-ce que ça représente, cette image? Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on ne va pas regarder le bateau rouge, on va regarder à droite. À gauche, ce qui est en écru, si je puis dire, c'est la côte. En bleu, c'est la mer. En blanc, c'est encore la mer, mais c'est une bathymétrie différente. Hein, c'est des profondeurs différentes. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image-là ? Bah, ce que vous avez là, c'est une copie d'écran des systèmes opérationnels que CLS livre aux autorités compétentes pour la surveillance du domaine maritime. Alors là, on est en France, hein, parce que je vois qu'il y a Étretat, le Cap d'Antifère, etc. Honfleur, là, on est en France. La même chose pour l'Indonésie. Hein. Voilà. Et donc, ce que vous voyez ici, l'ensemble des points verts, ça matérialise les échos radars qui ont été détectés sur une image radar, et donc qui sont rapportés sur un... Donc là, on parle de système d'information géographique. Hein, c'est simplement... une cartographie marine où on superpose des couches d'information. Donc la première couche d'information, c'est les détections de navires qui sont réalisées à partir du satellite radar. Donc on a des détections radar et chaque point, chaque écho radar, chaque vaisseau qui est vu par le radar, on l'intègre, si je puis dire, dans un système informatique. Donc à la fin, on a une carte informatique de... Tout à fait, c'est absolument ça. D'accord. Donc, on a une carte informatisée et on peut évaluer où se trouvent les navires, etc. Absolument. Parce qu'un éco-radar, c'est à un moment donné. Mon satellite, il passe une fois, il fait son éco-radar, j'ai une image, mais une image à un instant T. Je ne sais pas où il va, mon navire. Alors, vous avez un petit peu plus que ça, puisque l'imagerie radar permet également de déterminer la vitesse et la direction d'un navire. L'imagerie radar permet de déterminer aussi la vitesse et la direction d'un navire. Oui. Alors, il faut s'arrêter une seconde, là, pour expliquer ça. Alors, quand vous zoomez sur un éco-radar... Et si l'état de mer le permet, vous pouvez également voir son sillage. Vous voyez le sillage du bateau. Donc le sillage du bateau va vous donner sa direction. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en regardant vraiment au bout du sillage, c'est là que vous attendez le point. C'est-à-dire que le navire, normalement, il devrait être au bout du sillage. Et en fait, il ne l'est pas. Il est légèrement décalé. Et alors ça, c'est un décalage qui est provoqué par ce qu'on appelle l'effet Doppler. Donc l'effet Doppler, ça veut dire qu'une cible qui est en mouvement va vous renvoyer une fréquence va vous renvoyer une onde électromagnétique avec une fréquence un petit peu décalée. Et il faut savoir que le mécanisme, c'est un petit peu compliqué, mais il y a un mécanisme de traitement du signal qui permet de reconstruire l'image et de positionner les échos. Et ce mécanisme est basé justement sur l'analyse des fréquences. Donc l'algorithme qui est derrière, il analyse la fréquence et il positionne le bateau. Mais il suppose que la cible est fixe. Et comme la cible en fait n'est pas fixe, comme elle est mobile, elle bouge, eh bien il fait une erreur. Et quand on mesure cette erreur, on peut la mesurer puisqu'on sait que la cible devrait être au bout du sillage et qu'elle ne l'est pas. Quand on mesure cette erreur, eh bien on peut savoir à quelle vitesse se déplace le bateau. C'est fort ça. Voilà. C'est fort. C'est très très fort. Et ce qui est encore plus fort, c'est d'avoir su nous l'expliquer aussi bien. J'espère que j'étais clair. Ah oui. Donc, avec la direction et la vitesse, eh bien, vous avez le vecteur vitesse. Et donc, vous avez un peu plus qu'une image instantanée. Vous avez l'image instantanée et puis vous avez la direction et la vitesse. Donc, vous pouvez extrapoler un petit peu où est-ce que va le navire. Donc, on a plein de navires verts. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information là, importante ? Eh bien là, vous avez une très belle pollution, très belle, si vous me passez l'expression. Elle est matérialisée par le trait noir, là, qui a une forme un petit peu incurvée. Oui, on voit au centre un navire vert avec une espèce de langue noire qui descend vers le sud. Voilà, et donc cette langue noire, c'est le résultat du contourage de la nappe de pétrole qu'on a pu observer sur l'image radar. Donc ça, c'est un superbe dégazage. C'est un superbe dégazage, et ce qui est également très intéressant, c'est que sur ce système d'information géographique, donc on a superposé l'information de détection de navires, hein, ce sont les matérialisés par les petits navires verts. On a superposé la position et la forme de la nappe de pétrole, mais on peut également superposer d'autres informations. Et l'information supplémentaire qui est superposée ici, eh bien c'est la trajectoire du navire telle qu'elle est rapportée par une balise. Alors, bon, sans entrer dans les détails, c'est pas exactement, on n'a pas affaire au même type de balise que celle que j'évoquais tout à l'heure pour la pêche, mais bon, c'est un système coopératif, hein, il y a une balise à bord du navire qui transmet en temps réel sa position. Et donc, on est capable, si on reçoit ce signal, on est capable également de tracer la trajectoire du navire. Et là, on la voit, la trajectoire du navire ? Et on la voit très bien. Ce sont les, c'est le trait vert voilà, qui joint les points de mesure, hein, qui sont les carrés, les petits carrés rouges. Et carré rouge est, et jaune, ouais. Voilà. Et ce qui est édifiant, c'est que cette trajectoire est parfaitement alignée avec la nappe d'hydrocarbures. Donc, voilà. La trajectoire est parfaitement alignée avec la nappe d'hydrocarbures. Donc c'est lui, quoi. Le doute n'est pas permis. Alors c'est le Nordic Glory. Je vois son nom, le Nordic Glory. Et là, c'était le 18 mai 2009. Et on voit toutes les positions. En haut, il est 21h52. En dessous, 21h16. En dessous, 21h51. En dessous, 20h07. Voilà. Encore en dessous, il est 19h22. Hein, on voit comme ça la progression. Ouais, c'est spectaculaire. On peut pas vous échapper là. C'est difficile. Ouais. C'est difficile. Bon, là c'est efficace alors. Alors, monsieur, alors, pose une question. On va prendre quelques questions. Si vous avez des interventions, n'hésitez pas. On a juste parlé de pêche, on a parlé de pollution illégale, mais voilà, on peut. On va s'arrêter une seconde hein, pour prendre vos réactions, monsieur. Oui, donc dans ce cas-là, est-ce que les affaires maritimes interviennent sur le bateau ou... Alors, il faut savoir, en fait, là on rentre dans le cadre juridique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a très peu de cas où les autorités compétentes vont pouvoir... Enfin, on ne peut pas encore aujourd'hui condamner un navire sur la base de ces informations. Il commence à y avoir des jurisprudences, mais c'est compliqué. Le schéma en place aujourd'hui, c'est que ces informations doivent être transmises le plus rapidement possible aux affaires maritimes, qui sont en charge de la lutte des pollutions, qui elles-mêmes déclenchent des moyens d'intervention en mer. Donc en France, c'est les douanes hein, qui sont responsables qui opèrent les moyens aériens notamment. Et donc c'est le rôle des douanes à ce moment-là de faire décoller le plus rapidement possible un aéronef pour se rendre sur zone et constater l'infraction. Ah, il faut constater de visu. Constater de visu l'infraction, prendre des photos. Et ça, ce sont des éléments à charge qui permettent de faire condamner le navire. D'accord. D'autres interventions éventuellement autour de ces questions, autour de la pêche, autour des pollutions illégales. Sur Twitter, on a une question, une réaction. Bonsoir, il y a une petite question sur Twitter, en fait. Ils demandent, par rapport aux satellites radars, ils peuvent observer la surface de l'eau. Est-ce qu'ils sont capables de voir en profondeur, par exemple, des objets où, on pense notamment aux boîtes noires du Malaysia Airlines, pourquoi pas, ou d'autres choses? Non, il y a l'onde électromagnétique ne pénètre absolument pas dans la mer. Donc, on s'arrête à la surface. On s'arrête à la surface. Quelle profondeur, quand même? Quelques centimètres. Quelques millimètres. Quelques millimètres. Alors, cher monsieur. On pourrait voir une tache de carburant due à l'avion, par contre. Absolument. Si on tombe dans l'eau, absolument. Ça laisse une plaque suffisamment grande pour qu'elle soit visible. Les boîtes noires, évidemment, c'est beaucoup trop petit pour être vu, même si elles étaient à la surface. Tout à fait. En même temps, le carburant, il a envie de couler, je suppose, non? Non, mais il faut... Comme de la même façon qu'un rejet, il y a une certaine rémanence de la nappe en surface. Dans le cas du vol Rio-Paris, CLS était intervenu exactement sur ce type de contexte. Et on avait pu trouver des images radar qui montraient l'endroit de l'impact avec des nappes d'hydrocarbures. Oui, je t'en prie. Pendant qu'on est aux objets visibles, à part le pétrole, est-ce que vous voyez d'autres choses qui indiquerait, par exemple, la présence de bancs de poissons, de choses comme ça, au ras de la surface? Peut-être pas les poissons eux-mêmes, mais une perturbation, quelque chose... Pas avec de l'imagerie radar, non. Ou d'autres objets auxquels je ne pense pas. Des débris divers, des algues, des choses comme ça, qui modifieraient l'état de surface. Tout à fait. Vraiment, encore une fois, quelque chose qui indiquerait la présence d'icebergs ou d'autres variations climatiques, disons, sur l'eau. Alors, c'est vraiment le mot. C'est-à-dire que l'imagerie radar permet de mesurer l'état de surface et des objets hétérogènes en surface. Donc, le cas que vous avez cité en dernier est parfaitement pertinent. On voit les icebergs. Et notamment CLS a proposé sur les dernières éditions du Vendée Globe, CLS a mis en place un service pour détecter les icebergs le long de la course des concurrents du Vendée Globe et amener un certain niveau de sécurité pour les skippers. Donc on fait de l'observation de la glace, d'icebergs individuels ou de packs de glace. On est capable également, donc, en mesurant les états de surface, on est capable de remonter aux phénomènes océanographiques ou météorologiques qui les génèrent. Donc on est capable de mesurer la vitesse et la direction du vent, notamment, en étudiant les états de surface. On est également capable de mesurer les trains de houle. Les trains de houle. Les trains de houle, c'est-à-dire la houle avec, dans un certain domaine du spectre. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas toutes les longueurs de houle, mais une houle qui est comprise dans une... La houle, c'est quoi ? C'est les vagues régulières. Et donc une mer qui est formée... Ce n'est pas des vagues qui déferlent. Hein. Voilà, ce n'est pas les déferlances. Hein, ouais. Donc si la houle est comprise dans une certaine gamme de longueurs d'onde, eh bien on est capable de les voir et de les mesurer par imagerie radar. Et le dernier paramètre qu'on est capable d'estimer, c'est les courants de surface également. Les courants de surface, un petit peu, c'est aussi basé sur l'effet Doppler, hein, comme je l'illustrais tout à l'heure sur à propos de l'estimation de la vitesse des navires. L'idée, c'est ça, hein, c'est que vous avez des petits réflecteurs élémentaires en surface qui vont se dépasser l'effet du courant de surface. Et donc en faisant une analyse très fine du spectre de fréquence retournée de l'onde radar qui est réfléchie, et en mesurant ces anomalies, eh bien on est capable de déterminer les courants de surface. D'autres interventions peut-être ? Sur Twitter aussi ? Sur Twitter. Donc j'ai une question sur Twitter. Il y a quelqu'un qui me demande, c'est quoi une mer rugueuse en fait ? Alors une mer rugueuse, c'est... Si vous êtes en mer et que le vent se lève, vous allez constater que la surface n'est plus tout à fait lisse. Elle va commencer à prendre une certaine aspérité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette aspérité, on parle de vaguelettes qui font quelques centimètres. C'est ça que je qualifie de mer rugueuse. Et c'est à cette rugosité-là que l'onde radar va être sensible. Puisque l'onde radar qui est utilisée, hein, donc après ça va dépendre de la bande de fréquence, mais là, les satellites dont on parle, ils travaillent en bande C ou en bande X. Donc l'onde électromagnétique correspondante, sa longueur d'onde, c'est ça, c'est quelques centimètres. Et donc elle va être sensible à cette rugosité fine. Les icebergs. Alors maintenant, pas de panique pour ta prochaine grande croisière. Ça fera pas comme le Titanic. Alors, retournons d'un mot à notre pêche illégale parce qu'on n'a pas dit tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Notamment, je vous posais quelques problèmes. Ok, j'ai compris. Donc je vois mes navires indonésiens légaux parce qu'ils ont une petite balise. Je vois les autres navires. D'abord, dans les autres navires, et c'est pas tous forcément des pêcheurs illégaux. Et ça peut être bien d'autres choses que des bateaux de pêche. Alors, vous voyez pas les autres navires, vous voyez tous les navires. Je vois tous les navires. Vous voyez tous les navires. Enfin, ouais. Tous, pour peu qu'ils aient une certaine taille. Ouais. Les plus petits, on les verra pas. Mais vous voyez tous les navires. Et donc, effectivement... Avec le radar seul ou avec les balises seules, vous ne pouvez rien faire. C'est vraiment la combinaison des deux qui va vous permettre de détecter la pêche dite illégale. Mais un navire qui n'a pas de balise, ce n'est pas forcément un navire de pêche. Alors un balise qui n'a pas de navire, ce n'est pas forcément un... Pour le contraire, mais on s'est compris, oui. Voilà. il faut creuser un petit peu plus. Donc vous vous intéressez aux navires que vous voyez par imagerie radar et qui n'ont pas de balise. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre en correspondance... l'éco-radar avec la position rapportée par une balise. Donc sur ces navires-là, effectivement, tous ne sont pas forcément des pêcheurs illégaux. Tous ne sont peut-être même pas des navires de pêche. Donc là, l'information supplémentaire que vous pouvez utiliser, c'est la taille du navire, ça va vous être donné par la taille de l'écho. C'est-à-dire qu'en analysant l'écho, vous êtes capable d'estimer la taille du navire. Et si vous avez un navire de 100 mètres, c'est clairement pas un bateau de pêche. Donc vous allez vous concentrer vraiment sur les navires qui sont dans une certaine gamme de taille. Et puis vous pouvez également utiliser les signaux qui sont émis, alors pas forcément par les navires de pêche, mais par d'autres navires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la réglementation, la réglementation qui impose de signaler sa présence et de rapporter sa position ne concerne pas que les navires de pêche. Aujourd'hui, la plupart des navires qui sont au-dessus d'une certaine taille doivent rapporter leur position à travers d'autres systèmes. Enfin, ce sont des systèmes relativement similaires qui également émettent des signaux par des balises et qui sont reçus par des satellites. Mais si vous avez accès à ces informations, l'idée, c'est d'avoir une intégration ultime de toutes les informations sur la même plateforme, hein, sur ce genre d'écran. Et là, vous avez accès à l'ensemble des informations pour prendre la meilleure décision possible. Parce qu'à un moment donné, on peut avoir des soupçons sur un navire de pêche illégale, mais il faut aller voir sur place, hein, non ? De toute façon, le satellite seul n'est pas la solution ultime. Hein. Le satellite ne sert qu'à détecter des événements suspects ou des événements intéressants, selon la perspective qu'on prend, et ensuite de dépêcher des moyens sur place. Alors attendez, madame, parce que j'ai juste une petite question là. Je suis cachée dans le coin. Non, juste pour un peu plus de précision, du coup, à partir de quelle taille vous pouvez détecter les navires et à partir de quelle taille est-ce qu'ils sont obligés du coup de s'identifier, de se faire repérer ? Alors, la taille minimum des navires, ça va dépendre des capacités, des performances de résolution du radar imageur que vous utilisez et du mode dans lequel vous imagez. Et pour fixer les idées, on va dire au-dessus de 15 mètres, c'est facile. En dessous de 15 mètres, ça devient compliqué, pas impossible, ça va dépendre de l'état de mer. Voilà, entre 10 et 15 mètres, c'est compliqué, mais pas impossible. En dessous de 10 mètres, ça commence à être vraiment difficile. Alors, attendez, parce que j'étais allé voir madame qui posait une question. Mais je vous en prie, pas de problème. Non, mais donc du coup, par exemple, on ne peut pas du tout imaginer de repérer les barques, les embarcations des immigrés quand c'était des problèmes, etc. Si elles sont petites, c'est difficile, et en plus, elles sont en bois. Et le bois réfléchit moins bien que le métal. Donc c'est encore plus compliqué. Alors pour les barques d'immigrés, effectivement, qui sont en bois, c'est compliqué. Par contre, on a plus de facilité avec les bateaux dits « go fast ». Vous avez entendu parler peut-être de ça. Ce sont les navires qui traversent des espaces maritimes relativement petits, comme la Méditerranée, pour du transport souvent de stupéfiants. Donc ce sont des petites embarcations avec de très gros moteurs. Donc on ne détecte pas les embarcations, par contre on voit les sillages. Ah oui, comme ils vont très vite, on voit des sillages, et ça peut être une information, enfin des phénomènes qu'on détecte sur une image radar. Madame. Est-ce qu'il y a parfois intervention de la Marine nationale dans les eaux justement internationales ? Tout à fait, oui. Enfin, je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais ce que j'ai retenu, c'est que en France, les douanes maîtrisent les moyens aériens. Et s'il y a une intervention en mer à faire, bien sûr, c'est du ressort de la Marine nationale. Y compris dans les eaux internationales, je crois, demander madame. Sans doute. Là, je ne suis pas compétent pour répondre. Bon. Donc, on a compris. Alors, il y a quand même un autre problème, c'est que votre satellite... radar, c'est un satellite sur lequel vous comptez là en Indonésie, c'est Radarsat-2, le satellite canadien. Il passe au-dessus de la zone tous les combien ? Alors c'est un satellite... au-dessus de l'Indonésie. C'est un satellite à orbite polaire, héliosynchrone, donc il a une certaine cinématique, une certaine orbite. Et grosso modo, en Indonésie, on est dans un cas un peu défavorable, puisque comme les satellites sont polaires, c'est les zones à haute latitude qui sont le plus souvent revisitées. Là, malheureusement, on est à l'équateur, donc c'est le cas pire. Et la fréquence de revisite à l'équateur, ça se situe autour de quelques jours. C'est-à-dire que le satellite va passer au-dessus de la zone tous les 5 jours à peu près. Donc j'ai une image de mes navires, éventuellement illégaux, tous les 5 jours. Vous avez, sur un point précis, vous avez une revisite de 5 jours. Oui, sur un point précis, parce qu'en fait, c'est une bande... Mon radar, il fait une fauchée, il a une bande de quelle largeur ? La fauchée est variable, il y a toujours un compromis entre la largeur de fauchée et la résolution. C'est-à-dire que plus vous êtes, plus large est la fauchée, moins bonne sera la résolution. La résolution, donc la capacité, le niveau de détail. Le niveau de détail. Ouais. Le mode imageur qui est utilisé pour détecter des navires de pêche d'une quinzaine de mètres environ permet d'avoir une fauchée de l'ordre de 150 km. Donc tous les 5 jours environ, je peux réaliser une image large de 150 km, hein, vous avez dit, oui. Sachant que la zone, elle fait 4000 km d'ouest en est. Hein. Ah non, c'est tout le triangle de... Je ne sais plus comment il s'appelle. Attention, quand on dit tous les 5 jours, c'est sur un point précis. C'est-à-dire que si vous considérez toute la zone indonésienne, voilà, qui fait... point à point, la distance qui sépare l'extrémité est et ouest des eaux indonésiennes, oui, voilà, ça va être de cet ordre-là, 4000 km. 4000 km, sur 4000 km, vous avez plusieurs passages par jour. Plusieurs passages par jour, d'accord. Donc c'est en chaque point tous les 5 jours. C'est ça. D'accord. Il y a quand même plusieurs passages par jour. Tout à fait. Oui. On est d'accord. OK. Et donc ça permet quand même d'avoir suffisamment d'informations pour aller chercher les... Alors, de toute façon, c'est une des limitations du concept, c'est-à-dire qu'on n'a pas une revisite permanente. Enfin, on n'est pas sur un système de vidéosurveillance, hein, vous ne filmez pas la zone en permanence. La revisite peut être améliorée en utilisant plusieurs satellites, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a de plus en plus de constellations. Mais ce qu'il faut bien comprendre également, c'est l'effet dissuasif que génère le dispositif. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de surveiller tout point à tout moment, mais le fait qu'il y ait un dispositif de surveillance en place, et les choses se savent, a définitivement un effet dissuasif sur les contrevenants. Alors il y a un exemple qu'on pourra aborder où on a montré vraiment l'effet dissuasif d'un système comme celui-là sur la pêche illégale et sur ces mafias, sur ces mafias de la pêche et non pas ces magnats de la presse. Est-ce qu'on peut parler aussi d'un autre sujet? C'est le suivi, on a peut-être juste évoqué la question, le suivi de la dynamique des populations de poissons. Ça, c'est un autre sujet gigantesque qu'on peut réaliser avec ce centre océanographique. Et avant d'en parler, peut-être, est-ce que vous pouvez nous présenter ce centre? Ça ressemble à quoi? Alors, le centre qu'on est en train de déployer, de mettre en place, donc c'est sur l'île de Bali, plus exactement. C'est agréable, l'île de Bali. Alors, y a une... je comprends que votre collègue y soit en ce moment, effectivement, qu'il préférait y être plutôt que chez nous. Je me permets de corriger. L'île de Bali a certains côtés paradisiaques, mais l'endroit où on va n'est pas très glamour. C'est pas glamour. Non, c'est pas glamour. Ça ressemble à quoi? C'est une zone de mangrove située au nord-ouest. C'est pas mangrove, non? C'est humide. Oui, oui. Enfin, effectivement, il faut aimer après. Donc ça correspond pas au cliché paradisiaque de la carte postale qu'on peut avoir en tête. Donc oui, non, c'est sur la côte nord-ouest de Bali, dans une petite localité qui s'appelle Prancak. Et donc sur ce site, nous sommes en train de construire un bâtiment de 1200 m² qui va accueillir l'ensemble des systèmes. Donc en gros, on va avoir trois composantes majeures dans les systèmes qui seront livrés. La première composante, c'est ce qu'on appelle une station de réception satellite. Donc, qu'est-ce que c'est une station de réception satellite? C'est une grosse antenne de 5 mètres de diamètre qui permet de recevoir en temps direct, en temps réel, les images qui sont acquises par le satellite Radarsat 2. Donc, le Radarsat 2 passe au-dessus de l'Indonésie, prend une image de la zone et bien sûr, il faut avoir l'information le plus rapidement possible. Si vous voulez faire des interventions, si vous voulez lutter contre des pollutions, il vous faut l'information immédiatement. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une station de réception satellite pour que l'information collectée à bord du satellite soit descendue sur Terre immédiatement. Donc ça, c'est réalisé au moyen de cette station de réception satellite. Donc cette grosse antenne qui permet de collecter le signal et puis ensuite tous les systèmes de traitement pour former l'image et puis détecter les navires, etc. etc. Première composante. On a une deuxième composante qui est un ensemble de modélisation de l'environnement marin. Alors là, il y a plusieurs couches. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaye un petit peu, si vous voulez, de faire l'équivalent d'un système de prévision météo, atmosphérique. C'est-à-dire que vous avez à Météo France, vous avez des supercalculateurs qui tournent sur des algorithmes et sur des modèles de la circulation atmosphérique. Eh bien là, on va faire la même chose, mais sur la circulation océanique, océanographique. Donc il s'agit bien de la circulation, c'est les courants hein, océanographiques, enfin océaniques, en l'occurrence. Hein. Il ne s'agit pas, quand on parle de la circulation, ce n'est pas les bateaux. Non, hein. Non, bien sûr. On essaie d'approcher l'océan lui-même. On essaie de décrire tous les paramètres physiques de l'océan. Décrire tous les paramètres physiques de l'océan, comme on le fait voilà, en météo. Voilà, en météo, on connaît les pressions, etc. En océanographie, vous avez l'altimétrie, vous avez la salinité, vous avez la température. La salinité, on peut l'avoir depuis l'océan. Alors, est-ce que l'eau est plus ou moins salée? La salinité, aujourd'hui, on la mesure principalement avec des capteurs in situ. Donc, ce sont des bouées qui sont mouillées ou des profilomètres. Donc, on les mesure comme ça. Et tous ces points de mesure sont collectés et sont intégrés dans des modèles. Alors, c'est important de parler de modèles parce que, si vous voulez, la distribution de la salinité en 3D sur le globe, c'est quelque chose qui évolue de façon... douce et lente. C'est lent, oui. C'est lent et c'est des grandes échelles. Donc tout cela se prête très bien à la modélisation. Parce que l'océan n'est pas homogène en ce qui concerne de sa salinité. Non. Il y a des endroits qui sont éventuellement plus salés que d'autres. L'océan n'est pas homogène ni en salinité, ni en température. Et c'est pour ça qu'on a des courants et c'est pour ça qu'on a des climats différents. C'est pour ça qu'on a le Gulf Stream. Voilà, toute cette science-là, c'est la circulation océanographique et c'est aussi, aussi complexe et aussi primordial que la circulation atmosphérique. Aussi complexe et aussi primordial que la circulation qu'on obtient avec la météo. Alors, vous étiez en pleine conversation, en pleine discussion, on n'en était encore qu'à la première couche d'analyse, mais je sens que Xavier trépigne. Ah, je reconnais là. À la pêche, au moule de la mafia, je vais pouvoir y retourner. Monsieur Germain, qui est assis là, vient de me donner l'idée. Je vais me faire un bateau en bois pour ne plus me faire repérer. Ah ouais, c'est ballot là, c'est ballot là. C'est ballot. Ah oui. Bon, try. Et en plus, c'est sur Twitter. Maintenant, c'est fichu. C'est foutu. Oui, alors on n'était qu'à la première couche. Donc, on a bien compris qu'on a une analyse avec vos ordinateurs, grâce à des données satellites, grâce à des bouées aussi qui sont in situ dans l'océan, qui permettent de décrire des paramètres océaniques primordiaux, fondamentaux, hein, comme la salinité, la température, etc. Donc, ça, c'est une première couche d'information. Je me permets juste de revenir sur un petit point. Vous parliez de la salinité, donc, et je vous ai répondu qu'aujourd'hui, on la mesure essentiellement avec des capteurs in situ. Il est intéressant de noter que l'Agence spatiale européenne a lancé un satellite récemment qui s'appelle SMOS. SMOS, S-M-O-S. S-M-O-S, qui va tenter de mesurer la salinité depuis l'espace. Ah d'accord, ça a commencé à être possible, d'accord. Voilà. Donc, alors ça, c'était la première couche. Ouais, première couche. Ensuite, deuxième couche, quand on a la description physique de l'océan, la couche suivante, naturellement, c'est ce qu'on appelle la description biogéochimique. Biogéochimique. Biogéochimique, là, c'est tous les paramètres qui sont relatifs eh bien, à la chimie et donc aux gaz dissous, aux nitrates, à l'oxygène et au plancton. Voilà, donc là, c'est la. Donc, il y a également une modélisation, mais il y a des mesures. Donc là, il y a des mesures satellites, c'est-à-dire que les satellites. Font des images spectrales de la surface de l'océan. Et sur ces images spectrales, les couleurs vertes témoignent de la présence forte, de la concentration plus forte de plancton. Ah, d'accord. Donc quand monsieur disait « Mais en surface, est-ce qu'on ne peut pas voir la présence des poissons, des planctons ?» J'ai cru comprendre que vous disiez plutôt non. Je répondais non pour, l'image radar. Mais ah, d'accord. Mais avec, ah, oui. Avec des capteurs optiques, oui. Alors voilà, donc c'est là où c'est intéressant, c'est que jusqu'à présent, on n'a parlé que de radar SAD, donc de radar. Mais alors maintenant, on va utiliser aussi des satellites dans l'optique, donc qui prennent des images dans l'optique, dans le visible. Alors, dans le visible et puis dans d'autres d'entre eux. Dans d'autres, d'accord. Et en analysant ces images, en analysant la lumière de la mer hein, qui est récupérée de cette manière-là, en l'analysant, on est capable de faire ce qu'on appelle des spectres et donc de déterminer... la concentration en plancton. La concentration en plancton de la mer en surface. Ok. Donc ça donne des informations. Donc ça, c'est notre deuxième couche biogéochimique, donc du plancton et puis certaines données chimiques. Voilà. Ouais. Et donc, quand vous avez ces deux types d'informations, eh bien, vous êtes capable de mettre une troisième couche qu'on appelle la couche de la dynamique des populations. Donc, simplement, un poisson, ça a un certain comportement, ça aime certaines zones qui ont certaines paramètres, enfin, qui sont avec des paramètres physiques favorables. Donc, ça aime telle température, ça aime telle salinité. Voilà, ça aime telle température pour se reproduire, telle température pour chasser. Et puis les poissons vont aller là où ils ont leur proie. Et les proies, il y a toute une chaîne alimentaire. Hein, les gros poissons mangent les petits poissons et les petits poissons mangent le zooplancton qui mange lui-même le. D'accord. Le phytoplancton, etc. Donc grâce aux deux couches dont vous avez parlé, les paramètres fondamentaux, les paramètres biochimiques, on arrive à déterminer une troisième couche d'information, si je puis dire, à déduire. Et cette troisième couche, elle concerne la dynamique des populations, c'est-à-dire finalement où se trouvent les populations de poissons. Tout à fait, c'est la concentration en poissons, pour parler simplement. Et j'ajoute que dans le modèle est également pris en compte l'effort de pêche. L'effort de pêche. Qu'est-ce que c'est l'effort de pêche ? Eh bien, c'est que ces poissons, ils sont en interaction avec l'activité anthropique, avec les hommes, et ils se font pêcher. Donc, c'est finalement la fin de la boucle. C'est-à-dire que les pêcheurs prélèvent une partie de l'espèce, et cet aspect-là doit être également pris en compte pour bien modéliser la dynamique des populations. La quantité de poissons présente. Tout à fait. Finalement, d'accord. Donc, on est capable, grâce à des satellites, grâce à votre centre océanographique, grâce à ces ordinateurs, grâce à cette antenne de 5 mètres, etc., on met tout ensemble, et à part déduction, avec des informations, en récupérant aussi des informations in situ grâce à des bouées, on arrive à modéliser complètement des zones d'océan, et puis jusqu'à arriver à savoir où se trouve finalement le poisson. C'est le Graal ultime, c'est d'avoir... Le Graal ultime. D'avoir des cartes qui sont représentées. Alors, le Graal est là sur vos tables. Regardez, à la fin de notre petit feuillet, on a quelque chose qui s'appelle Real-Time Weekly Forecast of Skipjack Adult Population. Avec un joli thon, là, ça ressemble à un thon, votre skipjack, non ? C'est un thon, c'est une variété de thon. Le skipjack, c'est une variété de thon. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en blanc, j'ai l'impression que là, on a une image qui est centrée sur l'Indonésie. On voit au nord, on voit tout ce qui est Vietnam. Au sud, c'est l'Australie. Au centre, c'est tout ce qui est Indonésie. Les célèbres, voilà. Les célèbres. Tiens, je te le donne pour tout à l'heure, si tu veux, Xavier. Et alors, qu'est-ce que ça raconte, cette carte ? Vous avez une représentation en couleur de la concentration, donc exprimée en tonnes par kilomètre carré, d'une certaine variété de thon, donc le skipjack. Donc là où c'est rouge, il y a beaucoup de poissons, là où c'est bleu, il y en a moins. D'accord, donc on est déjà aujourd'hui capable de faire des cartes comme celle-là, alors que le centre n'est même pas en fonctionnement ? Donc là, vous avez des... Alors, le centre n'est pas en fonctionnement, mais le centre sera en fonctionnement en septembre. Ah, d'accord, c'est tout proche. Voilà. Il y a des tests qui ont déjà été réalisés, alors. Et je dirais que là, on est plus dans une partie ingénierie, maintenant, au niveau du projet. C'est-à-dire qu'on résout des problèmes concrets, à savoir comment est-ce qu'on expédie les ordinateurs là-bas, et comment est-ce qu'on les monte, etc. Mais les programmes sont prêts, heureusement, et ils tournent. Ils tournent déjà chez nous, à Toulouse. Le but, c'est donc de les livrer en temps et en heure pour qu'ils puissent tourner à Planchak, à Bali, dès septembre. Alors, si on tourne la page, on va arriver sur... on voit deux images, là, Spawning Grounds et Nursery. Donc, si on tourne la page... Alors, c'est la même zone. Hein, vous avez des cartes tout à fait similaires, mais cette fois-ci, qui ne représentent plus la concentration en individus adultes. Mais c'est les mêmes individus à des stades de développement antérieurs, c'est-à-dire les larves de thon et les juvéniles, donc les très jeunes thons. Donc pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ces cartes ? Il est mignon, le petit juvénile. Il est très mignon. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ces cartes ? Enfin, en fait, quand vous avez la capacité à discriminer les concentrations, à prévoir les concentrations pour différents types adultes, eh bien vous pouvez vous focaliser sur tous les aspects du problème de la gestion durable de la ressource. Vous savez où est la ressource qui peut être pêchée, les thons adultes. Vous savez où est la ressource qui est sensible, les larves ou les juvéniles. Auxquelles il ne faut surtout pas toucher. Auxquelles il ne faut surtout pas toucher. Donc vous savez définir vos aires marines protégées, vos sanctuaires. Et vous avez une idée quantitative des stocks. Ah, c'est fort, ça. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de Graal. Puisque quand vous avez cet outil, vous êtes capable d'avoir une politique tout à fait raisonnée et éclairée pour la gestion durable des ressources marines. Ouais, moi, je suis assez impressionné par ces cartes. Qui voudrait réagir, poser une question, discuter ? Chère madame, je vous passe le micro. Vos données sont aussi importantes pour Ifremer, non ? Alors oui, oui, tout à fait. Enfin, l'Ifremer, l'Institut français pour la recherche et l'exploitation en mer, qui est un organisme de recherche publique et qui est également actionnaire de CLS, hein, puisque CLS a deux actionnaires majoritaires, c'est le CNES et l'Ifremer. L'Ifremer travaille également, bien sûr, sur ce type de problématiques, et on a bien sûr des collaborations avec eux. Marie-Claude. Pour que les stocks de poissons puissent se renouveler, est-ce qu'il y a une action du gouvernement indonésien, ou il y aura une action du gouvernement indonésien pour protéger les nurseries, empêcher les bateaux d'aller pêcher, par exemple ? C'est l'idée. Mais après, nous, notre rôle se borne à livrer des outils, à donner les moyens de mettre en place la politique. Mais les décisions qui sont prises, là, ça nous échappe. Mais effectivement, c'est l'idée qui est poursuivie. Est-ce que je peux poser aussi une question sur le corail ou c'est je t'en prie. Oh, bon, on va y venir, mais vas-y. Quelle est l'action qui a été entreprise ? Parce que je crois que s'il y a un gisement de corail aussi très important en Indonésie, hein, c'est un des premiers gisements qui existent au monde. Est-ce que vous avez une action aussi pour protéger ces barrières de corail ? Alors, on a une action pour protéger, je ne sais pas, mais en tout cas pour... évaluer l'état des dégâts. Vous avez raison de le souligner, le corail, l'Indonésie fait partie de ce qu'on appelle le triangle du corail. Donc c'est l'ensemble des mers qui intègre aussi les mers indonésiennes, les mers de la Malaisie, de la Thaïlande, du Vietnam. On est dans une des régions qui rassemble 30% du corail mondial. Ce triangle du corail, c'est 30% du corail mondial. Oui. Hein. Et donc, là encore, les technologies spatiales, l'observation satellite, permettent d'avoir une vue globale et sur des grandes surfaces de l'état de santé du corail. Hein, donc, comment, demande monsieur ? Comment ? Alors, le corail qui, en général, affleure. Hein, donc on est sur des profondeurs assez faibles, pour un certain type de corail. On le voit sur des images optiques. Et sur des images optiques avec une bonne résolution spectrale, on est capable d'avoir un diagnostic sur l'état du corail. Donc vous entendez parler souvent de blanchiment de corail. Blanchiment du corail, donc ça c'est le phénomène qui se déroule quand le corail est malade. Et en fait, quand... Il n'y a plus de vie sur le substrat, vous n'avez plus qu'un substrat minéral, et donc toute la vie disparaît. Ça, c'est des choses qu'on peut observer depuis l'espace par satellite. Et donc, en faisant ces observations depuis l'espace, on est beaucoup plus efficace puisqu'on arrive à balayer des surfaces beaucoup plus grandes que si on devait faire des campagnes in situ avec des plongeurs sur des très grandes étendues. Donc, c'est un des objectifs également du projet. De mettre en place des... Ça en plus, on a la, ouais. On a la pêche illégale, on a la surveillance... On a fait un package. L'énorme package, là, donc il y a le corail en même temps, d'accord. Et on a inclus dans le périmètre du projet un volet d'observation du corail. Enfin, quand je dis on a inclus, en fait, c'était une demande du client, puisque c'est une des problématiques qu'il souhaite... Pourquoi le corail est si important ? Le corail est très important parce que c'est l'écosystème, enfin c'est le refuge et c'est une partie intégrante de l'écosystème pour de très nombreuses espèces. Donc plus de corail, plus de poissons, plus de pêche. Enfin c'est aussi simple que ça. D'accord. Il y avait un volet mangrove aussi, corail et mangrove dont vous avez parlé. Vous étiez dans la mangrove là, Panchak. Panchak. Panchak. Oui, il y a un volet mangrove. Donc la mangrove, c'est un type de végétation particulier donc qui est observé dans les zones tropicales sur le littoral. Donc ce sont ces arbres avec des immenses... Avec des racines un peu distordues. Ouais. Et qui jouent un rôle clé dans l'écosystème, dans les échanges entre l'environnement côtier et l'environnement marin. Ils sont vraiment à l'interface. Il faut savoir par exemple que les zones de mangrove sont des zones très importantes pour la reproduction des crevettes. C'est là que les crevettes viennent se reproduire. Et malheureusement, les mangroves souffrent de la pression anthropique, hein, c'est-à-dire que le développement des franges littorales qui s'urbanisent de plus en plus dans des pays émergents comme l'Indonésie font disparaître les mangroves. Les mangroves pâtissent également de la crevetticulture, puisqu'en général, c'est sur ces zones-là que les étangs de crevetticulture sont installés. Et donc, il paraissait important aux Indonésiens d'avoir une méthodologie pour faire des cartographies. Là encore, on est sur une problématique où on fait des états de l'art, donc des cartographies de la situation. Et pour cela, le satellite est un moyen très approprié, hein, puisqu'il permet de faire des cartographies sur de très grandes étendues de façon relativement simple, enfin, beaucoup plus simple en tout cas que si on devait les faire. Alors vous allez cartographier la mangrove? Mais la mangrove, elle ne bouge pas tous les jours, donc, mais on voit qu'elle évolue quand même. C'est ça. Voilà, donc on la cartographie et on fait également une étude de changement. C'est-à-dire qu'on a en satellite, on va pas commencer les acquisitions sur l'Indonésie, heureusement. Les acquisitions sur l'Indonésie, il y en a depuis que les satellites volent. Donc on a déjà une base de, on va dire, au moins 10-15 ans d'images satellites sur la zone. Et l'idée, c'est de faire des études comparatives. Quel était l'état de la mangrove au début des années 2000 et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui en 2014. Et donc l'idée, c'est aussi de développer des activités économiques, mais de façon raisonnée. Parce qu'il faut rappeler qu'on voit tous ces problèmes environnementaux, etc. Mais en même temps, j'ai dit en introduction que l'Indonésie entendait devenir le premier producteur mondial de produits de la mer. Donc ça paraît un peu contradictoire. C'est problématique, c'est ambitieux. C'est-à-dire qu'on a... Enfin, je pense que c'est une problématique qu'on retrouve dans beaucoup de pays émergents, où on a des sanctuaires de biodiversité, mais à la fois, ces pays sont en croissance, hein, démographique, économique, et entendent, bien sûr, développer certaines cultures, comme l'aquaculture en particulier. Donc on a parlé de crevetticulture tout à l'heure. L'Indonésie, oui, a pour vocation de concurrencer la Thaïlande et de devenir peut-être le premier producteur de crevettes au monde devant la Thaïlande. Ils ont également un autre volet concernant l'aquaculture, qui est la culture des algues. Donc ce sont les algues qui sont destinées à l'industrie pharmaceutique, ou à l'industrie agroalimentaire. Et ils ont la crevetticulture... Dans le passé, a été assez désastreuse à plusieurs égards par les pratiques qui étaient suivies. Et donc, il y a vraiment une prise de conscience là-dessus. Ça fait partie de ce qu'ils appellent la Blue Revolution. La Blue Revolution, la révolution bleue. Ouais. La révolution bleue pour mettre en place des techniques durables, hein, qui soient compatibles avec l'environnement, puisqu'il s'agit de pas tuer la poule aux œufs d'or, bien sûr. Donc on se développe, oui, développons la crevetticulture, mais faisons-le maintenant de façon raisonnée et en utilisant les informations dont on dispose grâce à votre centre. Voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est encore une fois de s'appuyer sur une meilleure connaissance de l'environnement. Et une meilleure connaissance de l'environnement, bien, c'est apporté par des cartographies, par l'image satellite, et puis également par toutes les informations qui seront issues des modèles océanographiques, hein, puisque... Quand vous avez besoin d'installer un site de production de crevetticulture, vous allez pouvoir peut-être chercher les endroits où la température de l'eau est plus favorable, où les courants sont également favorables. Donc vous allez pouvoir bénéficier des banques de données qui ont été générées par des années et des années de modélisation et de stockage de l'information. Thank you. Merci Xavier, pour sa cacanote. J'ai vu Germain, je dois vous faire un aveu. Xavier, il a eu pitié de vous. Il s'est dit, il est tout seul, il est fatigué, il faut le reposer. Il faut quelques notes de musique, voilà. Non, je suis en pleine forme. Ah ben super, super, on voit ça absolument. L'Indonésie vous va bien. Un petit, avant de se quitter, parce qu'on va bientôt se quitter, à moins que vous ayez d'autres questions et interventions, hein, n'hésitez pas. Alors, madame, alors une seconde. Ah, des petits phoques, là. C'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de Balizargos, mais on va en dire un mot, quand même, des Balizargos. C'est l'objet de la première image, là, de votre petit cahier. Alors, effectivement, on voit un petit phoque qui n'est pas indonésien, je vous rassure. Mais c'est une illustration qui permet de revenir un petit peu au système Argos. Donc le système Argos, c'est un concept qui a été développé par le CNES en collaboration avec des agences américaines, avec la NASA, avec la NOAA. Donc la NOAA qui est une agence américaine aussi, hein, voilà, pour l'environnement. Pour l'environnement, l'océanographie, qui combine un peu l'océanographie et la climatologie. Et donc la constellation Argos est née en 78 sur la simple idée de dire on va développer des balises qui émettent et une charge utile, un satellite qui collectera les messages émis par les balises et qui les transmettra sur Terre pour qu'on sache où se trouvent ces balises. Il n'y avait pas de GPS à l'époque, hein. On est en 1978. Enfin, si, il y avait que ça commençait d'ailleurs. Le GPS, non. Enfin, en tout cas, civil, non. Oui, peut-être pas civil, oui. Militaire, je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais pas civil. Donc, c'est ça qui est assez important de souligner, c'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas de GPS. Donc, pour localiser une balise qui émet, on n'a à disposition que le signal qui est émis. Et donc, les ingénieurs du CNES ont mis au point des algorithmes, une méthodologie qui permettait de localiser la balise simplement en étudiant les propriétés du signal qu'elle recevait. Parce que la balise elle-même ne sait pas où elle se trouve. Exactement. Elle dit juste « j'existe, je suis là ». Elle est là, elle crie, ouais. Mais elle ne dit, elle donne pas d'informations sur sa position. Et dans l'espace, quelqu'un vous entendra crier, ce sont les satellites. Ce sont les satellites, et en analysant le cri, on peut déterminer quelle était la position. Alors on voit une image hein, sur la droite, avec tous ces petits... qu'est-ce que c'est, tous ces petits points rouges, verts, etc. Tous ces petits points rouges, c'est une illustration des balises à un instant donné, telles qu'elles sont surveillées à CLS. Donc CLS... créé par le CNES en 1986, avait pour mission, enfin a toujours pour mission, d'opérer le système et donc de développer des applications et des services basés sur cette technologie. Et on peut mettre des petites balises sur des phoques, par exemple. Alors voilà, les types, les grands types d'applications et services, ils sont illustrés par les trois images. Ces balises, vous pouvez les mettre sur les bateaux, donc ça vous permet de suivre des navires de pêche, comme on a beaucoup parlé ce soir, des navires de transport maritime, des navires de plaisance. Là, vous avez un exemple des balises qui sont installées à bord des concurrents du Vendée Globe, hein, donc, pour lequel CLS est le partenaire qui assure le suivi et la sûreté en mer. Ces balises, vous pouvez également les installer... Les installer sur des animaux. Donc ça, c'est très important pour tout ce qui concerne le suivi d'animaux. Donc là, vous avez un exemple de phoque, mais il y a de très nombreuses espèces aujourd'hui qui sont suivies par Balizargos. Hein, des manchots, des oiseaux, beaucoup d'oiseaux, des oiseaux migrateurs pour comprendre. Donc ça, c'est vraiment un outil fantastique pour les scientifiques, qui sont les biologistes, qui veulent mieux comprendre les migrations, les déplacements d'espèces animales. C'est un outil qui leur permet vraiment d'avoir une information précieuse. Et enfin, ces balises sont également utilisées pour l'océanographie, puisqu'elles équipent ce qu'on appelle des bouées océanographiques. Vous avez une illustration en bas à gauche hein, d'une bouée qui est jetée en mer. Donc là, on a plusieurs types d'instruments. On a soit des bouées qui flottent et qui prennent des mesures en surface, ou ce qu'on appelle des profileurs, c'est-à-dire des bouées qui sont capables de, de plonger en surface et de faire des profils de mesure, donc mesurer des paramètres tels que la température, la salinité, la concentration en certains gaz, tout le long d'un profil de surface, capter un historique, remonter en surface et ensuite émettre ces données vers le satellite Argos qui les retransmet à Terre. Donc, ça veut dire que ma balise Argos, elle est capable de dire « Oh là là, attention, je suis en mer, je ne vais pas bien, venez me chercher. » Mais elle est aussi capable d'envoyer des informations plus complexes, je dirais, qui sont tout un profil de température, toutes des données brutes que j'ai peut-être récupérées avec ma balise pendant une semaine. Et puis je reviens à la surface et je les envoie en bloc. Donc il y a cette capacité de stocker l'information pendant un certain temps, puisque bien sûr quand le profileur est en surface, il n'a pas la capacité de transmettre, il n'est pas en visibilité avec le satellite. Donc l'information est stockée, et quand on revient en surface, hop, toute cette information est transmise vers le satellite. Donc tout l'historique pendant des jours ou des heures qui ont été pris, voilà, de salinité, de température en profondeur, voilà, je peux envoyer tout ça avec ma balise Argos. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant à noter également, c'est que aujourd'hui, maintenant que le GPS existe, pour transmettre une position, c'est plus la peine d'analyser le signal. Il suffit simplement de mettre à côté de la balise un petit récepteur GPS. Le récepteur GPS détermine la position de la balise. Et il suffit simplement d'inclure cette position telle qu'elle est calculée par le récepteur GPS dans le message qui est transmis. Parce que le GPS aujourd'hui, c'est quand même le signal civil. Hein. Il est plus précis quand même que ce qu'on peut obtenir avec l'analyse du signal. Absolument. Il est à peu près, il doit être 10 fois plus précis. Et donc on a 10 mètres de précision avec le GPS et 100 mètres avec Argos. Ouais, c'est hors de grandeur. Par contre, il y a tout un cas de figure, un ensemble de cas de figure où l'association d'un récepteur GPS n'est pas possible pour des contraintes d'encombrement ou d'autonomie. Sur un animal, ça peut être un peu compliqué. Voilà, quand vous équipez un petit oiseau... Vous n'allez pas lui mettre un récepteur GPS en plus de sa balise. Donc c'est un peu tout petit, alors, une balise Argos, quand même. Les plus petits. Alors c'est dommage, je n'ai pas les chiffres en tête, mais aujourd'hui, on est capable d'équiper des oiseaux, pas que des rapaces, des oiseaux plus petits que des rapaces. Et alors, je vais également vous parler de quelque chose qui est assez remarquable, c'est qu'on est aujourd'hui capable aussi d'équiper des gros poissons, comme des thons. Donc là, vous avez des balises ressemblent un peu au micro que je tiens dans la main. Que vous tenez dans la main, d'accord. Ouais. Donc vous collez ça. Mais d'ailleurs, c'en est une. Depuis le début, vous parlez dedans, mais non, c'était... Traitez-moi de ton. Ah non, je n'oserais pas. Et donc, ces balises sont collées sur l'animal. Et là, il n'y a pas de récepteur GPS. Et donc, vous allez me dire, comment est-ce que donc, c'est un peu le même principe que pour un profileur. La balise enregistre un historique d'informations et quand elle remonte au bout d'un moment, en fait, elle se détache de l'animal, elle remonte en surface et elle délivre son information. Elle raconte tout l'historique, voilà. Elle donne tout l'historique. Mais une question qu'on peut légitimement se poser, c'est comment est-ce qu'elle connaît sa position pendant cette historique. Autant sur un glider, sur un profileur, pardon, vous pouvez mettre un récepteur GPS, mais sur un thon, vous ne pouvez pas. C'est vrai. Alors Eh bien, là, il y a eu des algorithmes assez astucieux qui ont été mis en place, qui sont basés, en fait, sur l'enregistrement de la lumière. Et en déterminant les heures de lever et de coucher du soleil, on arrive à remonter à la latitude. Attendez, mais pour ça, il faut que ma balise, elle soit en visibilité du soleil, mais mon thon est sous l'eau. Jusqu'à certaines profondeurs, les profondeurs où évoluent les thons, vous avez une variabilité de luminance qui est... Une d'accord. Et donc, en fonction de ma longitude, les levées et les couchers de soleil ne seront pas les mêmes. Voilà. D'accord, ça me donne la longitude, ça me donne pas la latitude. Ça vous donne la longitude et ensuite, vous avez également la profondeur avec la pression. Ah oui. Et alors, pour la latitude, j'ai un trou, mais ça doit être possible. Ça doit être possible. ou alors c'est même, je crois que ce n'est même pas déterminé. Enfin, c'est un paramètre libre qu'on arrive à... Oui, un paramètre libre qu'on arrive à reconstituer. D'accord, je comprends. Mais enfin voilà, simplement pour... Moi, j'ai toujours été fasciné par cette idée. Et voilà, je voulais vous en faire part. Alors, on va bientôt se quitter. Est-ce que vous auriez envie de poser une dernière question à Olivier Germain ? C'est le moment. Bonsoir. Vous avez évoqué diverses phases de votre projet, le développement d'outils, leur mise en place. J'aurais voulu savoir quelle était la durée totale de votre projet, combien de personnes étaient impliquées et quel était votre budget. Les questions ingénieurs, merci. Alors, c'est un projet de 4 ans, avec deux phases. Une première phase de déploiement, où on va mettre en place l'infrastructure. Cette phase dure 18 mois, un an et demi. On a commencé le projet il y a un an. L'infrastructure, ça comprend quoi ? Le bâtiment, tous les systèmes dont j'ai parlé, hein, donc la station de réception satellite, l'ensemble des modèles océanographiques et de dynamique des populations. On a également un système informatique pour la dissémination des données. Hein, il y aura des portails pour que la communauté utilisateur puisse avoir accès aux produits qui sont générés. Donc tout ça, c'est la phase dite de déploiement, donc qui se termine en septembre 2014, hein, au bout d'un an et demi. Et ensuite, on rentre dans la deuxième phase, 2 ans et demi, où... Alors l'idée, c'est pas... C'est donc que l'outil sera existant. L'outil sera livré. Opérationnel. Opérationnel. Ouais. Et, important à souligner, sera opéré par les Indonésiens. Et opéré par les Indonésiens, d'accord. Voilà, l'idée, c'est que... Et dans la deuxième phase, alors, c'est justement là où vous allez... Donc nous, on intervient simplement en maintenant ces supports techniques. Ensuite, oui. Mais on n'est pas les opérateurs. On livre un outil... au client, et c'est le client qui va l'opérer. Et la deuxième phase, c'est donc ? C'est de septembre, à partir de septembre ? Septembre 2014 jusqu'à fin février 2017, 2 ans et demi. Et il s'agit de quoi, là ? Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là ? Alors, on assure tout ce volet maintenance et support technique, mais en parallèle, dans le périmètre du projet, on a également tout un volet formation. Il faut savoir qu'il y a une quarantaine de personnes qui sont formées tout au long du projet. Donc ça va de formation courte hein, pour les opérateurs, donc des gens qui sont formés aux opérations avec un travail plutôt technique. Mais on a également un volet de formation académique. Donc on a des étudiants indonésiens qui sont arrivés en France dans plusieurs laboratoires. Donc chez nous à CLS ou dans des laboratoires partenaires chez Mercator Océan. Mercator Océan. Au Lagos, à Toulouse, donc des laboratoires spécialisés en océanographie. Mais également à l'IRD, à Nouméa, à l'IFREMER, à Nouméa. Donc voilà, on a un certain nombre de partenaires pour assurer ce volet. Et au total, il y a 9 étudiants qui seront diplômés au niveau thèse, PhD, et 4 étudiants qui passeront un master. Plus des collaborations scientifiques. Donc voilà, tout ça représente environ 40 personnes. 40 personnes vont être formées. Donc ça, c'est quelque chose qui va aussi nous occuper pendant les 2 ans et demi. Et puis, une des responsabilités qu'on a également, c'est de s'assurer que tous les produits qui sont générés vont pouvoir être valorisés au moyen d'applications pilotes. Donc, ça concerne à peu près toutes les thématiques dont on a parlé ce soir. Hein, et pour les rappeler, il y en a 7. Donc, c'est la lutte contre la pêche illégale, la gestion durable des ressources marines avec les sorties du modèle de prédiction, la lutte contre les pollutions hydrocarbures, le support au développement de l'aquaculture, crevetticulture et culture des algues, étude de la mangrove, étude du corail. Donc voilà, là vous avez c'est tout ça, ce centre opérationnel. C'est étonnant de voir tout ce que ça couvre. Hein, c'est vraiment. Et pour compléter la réponse, donc le budget c'est 30 millions de dollars. 30 millions de dollars, voilà, sur toutes ces années-là. Une dernière question à Olivier Germain ? Parce qu'il y a quand même un mot qu'on n'a pas prononcé et il figurait en titre. C'est le mot piraterie. On n'a pas parlé de piraterie. On peut considérer que les pêcheurs illégaux pratiquent une certaine... Ah, c'est de la piraterie, d'accord. Mais pour revenir à la... C'est pas exactement comme ça que je voyais les pirates. Non, bien sûr. Oui, j'imaginais pas les pirates avec leurs bandeaux sur l'œil, etc. Jeter des filets dans la mer. Non, je les vois pas comme ça, c'est pas... Un pirate, ça a des armes. Ça détourne. Alors, ça détourne, oui. La piraterie en Indonésie a été un problème majeur dans les années 90. Aujourd'hui, ça l'est moins. Ça l'est moins. On connaît tous les grandes zones de piraterie aujourd'hui. C'est plus la Corne de l'Afrique, le golfe du Niger également. Bon, je pense qu'il y a quelques rémanences quand même, mais on est quand même sur une situation qui s'est améliorée. Alors, la piraterie, ça ne fait pas partie à proprement parler du projet Indesso, mais néanmoins, il existe aujourd'hui des solutions basées sur la technologie spatiale pour lutter contre la piraterie. À quoi, par exemple ? Vous ne pouvez pas les suivre, dit monsieur. C'est pas assez régulier. Oui, tout à fait. Si on cherchait à bâtir des applications et services basées sur l'observation radar à la détection, on a effectivement ce problème que vous mentionnez qui est la revisite. C'est-à-dire que c'est quand on a affaire à des pirates, ils se déplacent en général sur des navires type Go Fast et c'est très difficile de les suivre. En revanche, ce qu'on peut espérer faire, c'est repérer ce qu'on appelle les bateaux-mères. Les bateaux-mères. Les bateaux-mères, ce sont des navires relativement... qui bougent très peu. MERE, voilà. On peut faire marquer, monsieur. Oui, bateaux-mères, oui, MERE. Et en fait, qui sont des points d'ancrage d'où partent les GoFast. Donc, c'est des bateaux où il y a... C'est des sortes de pompes à essence flottantes, finalement, où il y a du carburant, où les GoFast viennent s'alimenter et repartent pour attaquer les navires. Mais enfin, l'autre système auquel on peut penser, c'est un système d'alerte. Et donc ça existe. De la même façon que vous avez que les balises à bord des bateaux transmettent des positions ou des informations de tout type, elles peuvent également transmettre des alertes. Et donc aujourd'hui, il y a des systèmes opérationnels qui permettent, en cas d'attaque, de déclencher une alerte. Et donc, ce qui fait l'originalité et l'intérêt de ces systèmes, c'est que ce sont des systèmes très discrets. Ils sont installés à bord. Ils sont en général plutôt décorrélés des autres instruments pour que si les pirates montent à bord, ils ne les remarquent pas. Et malgré tout, ils sont déclenchés. Est-ce que c'est le système SARSAT ? Alors SARSAT, c'est plus pour la sûreté. Ça se ressemble. Il y a sûreté et sécurité. Sûreté, en fait, c'est de l'Argos encore, non ? Il y a des systèmes Argos, oui. Anti-piraterie ? Alors, en fait, c'est le système SSAS, ça c'est le nom générique. Donc Shiplock, c'est le nom du produit développé par CLS. Mais si vous voulez, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir déclencher une alerte en cas d'intrusion et que la balise se mette à continuer à émettre la position pour que... D'abord que l'alerte parvienne aux autorités compétentes et ensuite que le navire puisse continuer à être suivi si jamais il est déplacé par les pirates. On voit que les balises Argos ont été créées en 78 et je pense qu'à l'origine, on n'avait pas forcément idée de tout ce à quoi elles allaient pouvoir servir. Est-ce qu'on a fait le tour les uns les autres? Pas de regrets. On voit avec cet exemple de l'Indonésie, qui est un exemple assez particulier, mais il est en même temps tout à fait universel. On voit qu'avec ça, la technologie spatiale permet de protéger l'environnement, la biodiversité, les écosystèmes, d'éloigner certaines menaces, comme le pillage de la ressource halieutique et la pêche illégale. On peut avec ça éventuellement réaliser un développement économique durable. Merci à vous d'être venu nous en parler. Juste pour finir là-dessus, la plupart des concepts qui sont aujourd'hui intégrés dans ce système, dans ce projet qu'on développe en Indonésie, donc ce sont des briques élémentaires qui ont déjà été éprouvées par ailleurs. C'est-à-dire que les concepts ont fonctionné dans d'autres contextes, dans d'autres régions du monde. Et ce qui fait un peu l'approche originale aujourd'hui, c'est qu'on arrive à les intégrer, à les rassembler en un seul projet sur un pays qui en a vraiment besoin. Ouais. Ça existe ailleurs, un centre opérationnel comme ça ? Non. Ça n'existe pas ailleurs. C'est une première. C'est une première mondiale qui est réalisée par CLS. Voilà, ce sera le mot de la fin. Il était tout seul, mais il a parlé pour deux. Merci beaucoup. Bravo, Olivier Germain. On se retrouve dans un mois, 15 avril 2014. Rosetta percera-t-elle le mystère de la comète ? Vous savez, Rosetta, c'est cette sonde qui est partie il y a une dizaine d'années de la Terre et qui va aller, européenne, cette sonde, et qui va aller se mettre en orbite pour la première fois autour d'une comète et qui, pour la première fois, va suivre une comète pendant plusieurs mois et voir son activité augmenter et décroître à mesure que la comète va se rapprocher et s'éloigner du Soleil. Et troisième première mondiale, cette sonde européenne va larguer un petit atterrisseur qui va se déposer sur la comète pour faire des analyses in situ, ses filets. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Au revoir. Merci. par des sciences, chacun nourrit sa pensée, et chacun nourrit sa pensée.